jusqu'au 11 décembre, marché de Noël de la Rémigue. Tous les jours, de 9h à 20h, la Maison des Parents vous accueille pour ce rendez-vous au profit de la Rémigue. Les week-ends sont proposés des ventes de soupe, crêpes et vin chaud. À noter le samedi 3 décembre, un rendez-vous compte de 14h à 16h sur inscription à contact@arémigue.org. Maison des Parents, parking 3 de l'hôpital d'enfants, 8 rue du Morvan, à Vendeuvre-lès-Nancy.